Merci, mon inspiration vient beaucoup plus sur la Bible. Dieu nous demande d'être toujours juste, mais quand on voit que l'injustice prend la place et que parfois il n'y a pas de gens qui haussent la voix, mais moi je ne peux jamais rester, regarder, spectateur dans des choses où les opprimés, les gens qui n'ont pas cette capacité de se défendre et d'avoir les conseils avocats, des histoires, tout comme ça, non. Et on ne peut pas laisser aussi le pouvoir en place continuer à venir prendre, à venir exploiter cette pauvre population de la seule manière. Non, non. Nous disons non. Nous osons nos voix et beaucoup plus l'injustice aussi m'inspire beaucoup. Pourquoi cette injustice envers les autres? Et le fondamental, c'est la Bible. Parce que Dieu nous demande d'être juste. Quand je vois l'injustice, moi, je hausse ma voix, je le dis autre. Je le dis en haute voix pour que la justice soit faite. Voilà, c'est par là que moi, je m'inspire beaucoup.